surprend. Soyez content, soyez content. Par la consommation baisse, serrez les fesses, la consommation reprend. Soyez content, soyez content. Par la consommation baisse, serrez les fesses, Radio Monde est avec vous, ensemble en cœur, en tenon, le grand hymne planétaire, notre credo simple et clair, la consommation reprend, soyez contents, soyez contents. La consommation baisse, serrez les fesses, serrez les fesses. La consommation reprend, soyez contents, soyez contents. Ah, la consommation baisse, serrez les fesses. Radio Monde vous informe, objectivement ça va déjà beaucoup mieux qu'avant. Alors, soyez contents. La consommation reprend, soyez contents, soyez contents. Ah, la consommation baisse, serrez les fesses, serrez les fesses. La consommation reprend, soyez contents, soyez contents. Oh, la consommation baisse, serre les fesses. J'entends quelques impertinents balbutiants. Consommer en soi n'est pas une fin. Dites votre opinion, les malins, et prenez votre élan pour chanter le refrain. La consommation reprend, soyez contents, soyez contents. Oh, la consommation baisse, serrez les fesses, serrez les fesses. La consommation reprend, soyez contents, soyez contents. Oh, la consommation baisse, serrez les fesses. Le monde, tout le monde n'est pas dedans. Il y a quelques retardataires. Ils prendront le prochain wagon, le prochain train, la prochaine terre. La consommation reprend. Soyez contents, soyez contents. Oh, la consommation baisse. Serre les fesses. La consommation reprend. Soyez contents, soyez contents. Oh, la consommation baisse. Serre les fesses. Serre les fesses.